بسم الله الرحمن الرحيم. التوضيح المختصر على المنظومة البيقونية أي l'explication de البيقونية في علم الحديث مصطلح الحديث. Et on va étudier ensemble, inshallah ta'ala, le sharh de notre frère الشيخ أبو حاتم سعيد بن دعاس اليافعي رحمة الله عليه. أهمنير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 1. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. ونبدأ إن شاء الله تعالى معكم في هذا اليوم دروسا جديدة كتاب جديد وهو التوضيح المختصر على المنظومة البيقونية أي l'explication de البيقونية la célèbre poésie في علم الحديث مصطلح الحديث. Et on va étudier ensemble إن شاء الله تعالى le sharh de notre frère الشيخ أبو حاتم سعيد بن دعاس اليافعي رحمة الله عليه. Il a écrit un sharh مختصر طيب جدا et il explique cette poésie avec un كلام سهل. فكما قال في العنوان التوضيح المختصر. Le but c'est التوضيح et l'اختصار. وهكذا les premiers livres. Les premiers livres dans chaque uloum, c'est ça le but. Allez, tu comprennes le bikhtisar. Ou amin al-khata, c'est de vouloir tout comprendre dans le premier livre. Hada, c'est un khata kabir. Bel, c'est un sabab min asbab man' il-fahm. Wa adam al-wussoul ila al-maratib al-ulia. Wa lillahi l'hamd, nous l'avons étudié avec les khouan quand on était à Dammaj. Avec le sharh de notre frère Cheikh Hussein al-Hatibi, hafidahullah. Voilà, mania qu'on refait une deuxième fois. Bel, al-fa'ida bi al-takrar, comme ils disent. Et avant de rentrer dans le kitab, nous lisons les mots de certains savants sur l'importance de ce mot, le hadith. قال الإمام النووي رحمة الله عليه كما في مقدمة شرح صحيح مسلم قال إن من أهم العلوم تحقيق معرفة الحديث أو الأحاديث النبويات أعني معرفة متونها صحيحها وحسنها وضعيفها وبقية أنواعها المعروفات فهذا من أهم العلوم. لماذا؟ لأن ce علم tu vas te concentrer, tu vas faire des recherches sur les narrations qui sont rapportées عن النبي عليه الصلاة والسلام. Et تعلمون أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم c'est من الوحي et c'est une hujja. فالimportance de ce علم il va te permettre de savoir الصحيح من الضعيف. Et une faïda عظيمة. Les conséquences أن الصحيح t'es obligé d'y croire, t'es obligé de l'appliquer si ça montre le wujub. Ou c'est mieux, c'est recommandé de l'appliquer si ça montre l'istihbab. Ou tu dois t'écarter si ce hadith montre une chose haram. Wa hakada. Qala wa dalil dhalik anna shar'ana mabniyun 'ala al-kitab al-'aziz wa as-sunan al-marwiyat. Al-Imam an-Nawawi rahmatullah 'alayhi al-an itmontre anna hadha ad-din al-hanif. Hadhihi ash-shari'a as-samha. Elle est fondée sur deux sources. Al-Qur'an al-Karim, kalam Allah azza wa jal, wa as-sunan, as-sunnah an-nabawiyya. Aïe, toutes les paroles, les faits, les gestes, est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a accepté. As-sunnah. Qala wa ala as-sunan madaru akthar al-ahkam al-fiqhiyyat. Et ça te montre que ذلك l'importance de ce ilm, anna akthar al-ahkam c'est fi as-sunnah. Tu trouveras fi al-Qur'an al-Karim beaucoup d'ahkam بالجملة أو إجمالا et tu trouveras التفصيل كثيرا في السنة. Et on peut citer un exemple. قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا حكم أي وجوب الصلاة أي وجوب إخراج الزكاة. هذا حكم. لكن التفصيل أي le comment, les détails, les conditions, etc. Tu trouveras هذا كثيرا في السنة. Enfin, l'importance de ce ilm, tu dois connaître un minimum dans ce ilm, hatta t'arrives à filtrer. Bien, ce n'est pas tous les hadiths qui sont sahih. Falihada, une des causes du khilaf bayna ahl al-ilm, c'est ce point. Est-ce que le hadith il est thabit am la? Enfin, s'il est thabit, tu es obligé d'y croire et d'appliquer, bien sûr, si c'est un wujub, comme on l'a expliqué. S'il n'est pas thabit, la yadzim. Lana fil haqiqa, ce n'est pas min kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, le khilaf, tu le trouves dans ce point. Enfin, anta, si tu as un minimum dans ce ilm, mustalah al-hadith, tu arrives à comprendre pourquoi tel shaykh il dit ce hadith il est sahih, un autre il dit là il est va'if. Thomas, tu arrives à comprendre quand ils étudient l'isnad, l'istilahat, c'est ça le but de notre risala. Mustalah al-hadith. Lana, les ulama, ils vont employer des termes dans kutub al-fiqh. Et dans Kutub al-Aqida, et dans Kutub al-Tafsir, tu as besoin de ces termes pour comprendre le hukm du hadith. Mathalan, ils vont dire, هذا الحديث لا يثبت. لماذا? Ils vont dire, لأنه il est mursal. Si tu n'as pas un minimum dans ce fun, tu ne comprendras pas ça veut dire quoi mursal. Et nous, ça y est, ces catégories de hadith, Inch'Allah ta'ala. قال, l'imam al-Nawawi, قال, فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات. هذا معروف عند أهل العلم. La plupart des versets في القرآن c'est من باب الإجمال. T'as pas tous les détails. Les détails tu les trouves dans l'explication de النبي صلى الله عليه وسلم السنة الصحيحة. قال وبيانها في السنن المحكمات إلى آخره. هذا كلام الإمام النووي رحمة الله عليه. فسي تكمخي ce كلام de l'imam النووي. Inch'Allah, tu as un aperçu de l'importance de ce ilm. Ya akhi al-Karim, ne perds pas ton temps dans des choses inutiles. Ou il n'y a pas une faïda azim. Kam min al-ikhwan lil-asaf, ils n'ont pas de base sur ce ilm. Et en fait, c'est un taqsir. Comment tu vas comprendre kalam ahl al-ilm? Comment tu vas radjah fil masail? Combien, la plupart des livres, bel tous les livres, tu auras une partie de ce ilm. إما يبعث تدغ الحديث إلى صحيح أو إلى ضعيف أو إلى حسن أو إلى مرسل أو إلى موقوف أو إلى مرفوع أو إلى منقطع أو إلى معضل. أنت tu dois comprendre le shir, il va pas t'expliquer dans chaque livre j'ai dit معضل ça veut dire telle chose. أبدا, c'est à nous de faire des efforts. طالب العلم, et on insiste نحن, il doit avoir des bases dans chaque matière. Tu pourras pas étudier toutes les matières du début à la fin, étudier tous les livres, tout comprendre. Là, il y a des ulum kathira. Et le temps, il est dhayyiq. Lakin, minimum au départ, comme yansah ba'd al-ulama, tu as un minimum dans chaque ulum, khasatan ulum al-ala. Ay, mathalan, tutqin al-ajrumiyya. Tu es à la khayr, khasatan avec un sharh. Tutqin une risala fi usul al-tafsir. Comme muqaddimat usul al-tafsir li Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. Ou usul al-tafsir li Sheikh al-Uthaymeen. الطيبة. كذلك un minimum في الأصول, مثلا إتقان الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين, فإن رسالة نافعة جدا. كذلك القواعد الفقهية للشيخ سعدي. كذلك الصرف. كذلك التجويد. إن بتت رسالة تكون خلي غجل أي tu peux lire le Coran sans faute, ولو s'il y a des fautes c'est des petites fautes لا تضر. Amma, ne pas savoir lire et ne pas savoir prononcer, hada, ça va te suivre toute ta vie. Il y en a toute ta vie, tu lis le Coran. Enfin, avec ces bases, Inch'Allah, après, ou pendant, tu te consacres à ilm al-aqida wa tawhid. Et tu as ces bases. Tu as ces bases. Tu vas voir que kalam al-ulama, tu vas le comprendre. Il y en a l'ulama, ils parlent en arabe. Tu as des bases en arabe. Al-ulama, ils vont citer des règles, rubbama, des qawa'id, tu auras un minimum. Al-ulama, ils vont citer une règle dans l'usul fiqh, ou une règle dans le mustalah, ou ils vont parler d'un hadith. Tout ça, t'auras un minimum qui te suffit pour comprendre ce fun, le but, l'aqida ou le fiqh. L'aqida kadhalik s'englobe at-tawhid. C'est ça, nous, le but, al-an, de cette étude. Mais Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. Cheikh Muqbil rahmatullah alayh, il a cité hada. قال بقي أمر نبهنا عليه وهو مسألة المصطلح للباحث ولمن يريد أن يستفيد من كتب السنة. تأمل son كلام. Si tu veux être capable de faire des recherches et de comprendre, belle de tirer des profits des livres de la Sunna, t'es obligé d'avoir un minimum dans ces ulum, ce qu'ils appellent ulum al-ahla. Al-ulama, ils les ont appelés ulum al-ahla, un outil, c'est ça qui va t'aider à comprendre. Ah ben, le coup. Un talib ilm, il ne comprend pas l'arabe. Il ne comprend pas le mustalah, le hadith. Mustalah, le hadith, c'est les termes, la définition des termes dans le hadith. Il ne comprend pas al-usul. Il n'a pas étudié le qawaid dans le fiqh. Il ne comprend pas les règles de tajwid. Tout ça, tu peux lui passer un livre d'un savant, ou alors il a une bonne niya, il ne comprendra pas. Bel, il peut rupamal lire et s'égarer. Sallallahu alayhi wa sallam. Il peut lire et s'égarer. Les mains, les anna, il va comprendre les choses à sa manière, et va fassurer des choses, probablement avec le hawa, et c'est bab, l'inhiraf ou l'dhalal. Khassatan si la niya n'est pas bonne. Fahada, c'est ça l'ilm. C'est ça l'ilm, et khassatan fil haqiqa, celui qui médite, en ces rasail de débutants, qu'à al-bayquniya, ou qu'à l'usul min ilm usul, ou l'qa'id al-fiqhiya, ou l'usul al-tafsir, ou l'ajroumiya, toutes ces رسائل كل علماء ينصح pour débuter l'ilm فكم ضاع من اوقات celui qui réfléchit combien de temps on gaspille dans des futilités et ces choses ou ces رسائل ces usul c'est ça l'usul quand les ulama ils disent عليك بالاصول من حرم الاصول حرم الوصول اي celui qui a pas les fondements il n'arrivera pas au but. كما قال العلامة الشيخ سعدي رحمة الله عليه الشيخ ابن عثيمين يغبط سبوا هذه الكلمة النافعة. فكنت ندي ونكونسي والعلماء يكونسي الأصول سي هذا لا تظن سي كالك شوز دو إناكسيسيب. لا الأصول سي سا سي البيقونية في الحديث سي الأصول من علم أصول في العلم في أصول الفقه سي الأجرومية في النحو سي أصول التفسير في التفسير وهكذا وهكذا لرسائل كنا سيتي أم بغف. قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه قال ولمن يريد أن يستفيد من كتب السنة لأنه يمر بك في بعض الأحاديث حديث منكر. إدنا نكذب الآن صحيح تبالير أن لفغ دي عقيدة يفون تخطي المسألة خاصة للفغ المتوسعة كشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز أو أطخ كتاب الشريعة للآجري شرح وصول اعتقاد أهل السنة لله لكائي الإبانة لابن بطة توصل ليفو متوسعة وكسيت بوكو دي روايات ربما إما دون التحقيق إما دون ليفو لمن إبا تدير حديث منكر يتوسيت الحديث إي تمونت كلي منكر سي تو كوني با لا ديفينيسيون إي تو سي با كومون تو سي كوا لو كومبورتومون أفوار كومون تو با فير ربما حديث منكر إبا ميم با بريتي أتونسيون زو طالب إي با كخوار كو الحديث إلي صحيح ألوغ كو الحديث إلي منكر والمنكر من قسم الضعيف كما سيأتي. قال الشيخ مقبل وفي بعض الرواة منكر الحديث. نعم ربما يبقى بغى خلاف ضوء المسألة الشيخ الألماني رحمة الله عليه باتجي سو حديث فيه فلان لمنكر الحديث أنو الشيخ باتجي الحديث إلى صحيح كما تبا si t'as des bases tu vas savoir que في هذا الحديث يعني rapporteur إلى منكر الحديث الحديث إلى ضعيف. قال ويمر بك في بعض الأحاديث معضل سفجر كو معضل مبارك معضل أنه يا إنا تغبشون ضل إسناء. يمانق plusieurs rapporteurs. فالحديث إلى ضعيف. on sait pas c'est qui manque. ربما سا مسلم ربما سا pas مسلم ربما سا كذاب ربما هذا. قال أو حديث منقطع. قال وحديث مرسل وحديث شاذ إلى غير ذلك من الألقاب التي تمر بك. c'est ça مصطلح الحديث. c'est دراسة هذه الألقاب. أي ces termes. العلماء ils les ont rassemblés ومنهم البيقوني رحمه الله dans des poésies ou autres et il t'explique les termes munkar ça veut dire telle chose il te cite un exemple c'est ça dirasat ilm al-mustalah et c'est muhim jiddan ça va te servir bi'idhnillah dans ton étude dans toute ta vie bi'idhnillah fi talab al-ilm ça va te servir. قال او حديث منقطع او حديث مرسل او شاذ الى غير ذلك من الالقاب التي تمر بك واحسن كتاب هو مختصر مقدمه ابن الصلاح للحافظ ابن كثير رحمه الله سيأتي معنا لغالة مقدمة شيخ سعيد إلى سيتي لليفر important ضوء المصطلح. هذا كلام الشيخ مقبل رحمة الله عليه من المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح. نعم كتاب نافع. Ils ont rassemblé toutes les fatwas de Cheikh Muqbil dans ce ilm al-mustalah, dans ce livre al-muqtarah. Et ils les ont re-rassemblés awsa' minhu fi hadha al-kitab al-fatawa al-hadithiyya lil-allama al-diyar al-yamaniyya Abi Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. Toutes les fatwas qu'ils ont trouvées dans ces cassettes, dans ces livres, tous les kalam qu'ils citent par rapport à ilm al-hadith, ils les ont rassemblés dans ce livre en deux mujallad et les matbou'. On citera petit à petit, on vous citera les références, celui qui veut avancer via هذا العلم. نقرأ كذلك cette مقدمة نافعة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه إلى الشرح على البيقونية. تعلمون أن الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه سابيل لا كونساكرا علم العقيدة علم التوحيد علم الفقه. مع هذا إلى قن يجلس علم أبدا. فإلى الشرح على البيقونية، إلى الشرح على النخبة للحافظ ابن حجر، إلى الشرح على النزهة فيما أذكر. ها، يدون الأهمية لماذا؟ لأن الشيخ ابن عثيمين إلى بيت الطلاب، إلى زايدوكي على هذا العلم، إلى لغة دوني، دروس الأصول، بل إلى كريدي ليب، الأصول من علم الأصول. إلى في الشرح، إلى لغة دوني، دروس القواعد، إلى إكسبليكي القواعد. Que ce soit de Cheikh Saadi ou autre. Il leur a donné des doros dans un nahu, dans l'oral arabia, dans le sarf. Il a fait le sharh de l'alviya, il a fait le sharh de l'ajurumiya. Il leur a donné des doros dans l'aqida, dans le tawhid. Fahakada al-mudarris wa hakada al-talib. Il donne l'importance à ce ilm, khassatan les fondements. Allez, hada, Cheikh Mu'taymin, rahmatullah alayhi, le kouwa al-ilmiya que tu trouves dans ces livres, annahu, il a donné de l'importance fil usul. الحقيقة سيبا يتنو لأن إلى طلب العلم عن ذلك الجبل العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه يدني بوكو دمبورتانس أصول فسي الطلاب يسون دبني أقوية ومنهم ومن أقواهم الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه. إلى ستة المقدمة بغف مقدمة بغف مقدمة دون المصطلح نقراها. قال بسم الله الرحمن الرحيم فهذه مقدمة في علم مصطلح الحديث. قال المصطلح علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. هذا ستبقى الراوي أي لنغطر مثلا الإمام مالك ابن أنس رحمة الله عليه تبقى اتجي علم الراوي الرجال تبقى كمبخون مثلا أن الإمام مالك ثقة بل ذروة في الحفظ والعلم. Et tu vas voir que des autres ils sont un peu en dessous. Tu vas voir que des autres ils sont très en dessous. Et tu vas voir que des autres ils sont c'est les du'afa, des kadhab, matroukin. هذا علم الراوي. لماذا؟ لأن pour arriver au hadith il y a une chaîne de transmission, ce qu'on appelle al-isnad. Al-isnad c'est une chaîne de transmission avec des narrateurs, des rawi, fulan, an fulan, an fulan. Tu vas étudier هؤلاء. Il y en a, c'est eux. Nous, maintenant, on n'a pas vécu l'époque du prophète عليه السلام. Enfin, entre nous et le prophète عليه السلام, il y a des siècles. Al-ulama, à une période donnée, à une période plutôt précise, ils ont rassemblé as-sunnah. Comment ça y est, Atimana? Ils ont rassemblé as-sunnah. Ce rassemblement, c'est des rijal qui rapportent. Fulan, an fulan, an fulan. Ils ont entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-ulama, ils ont rassemblé toutes ces riwayat dans des livres. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, As-Sunan, Musnad l'Imam Ahmed, Al-Ma'ajim, etc. Ils ont rassemblé ces livres. Al-ulama, après avoir fait l'étude de ces livres, ils ont sorti des règles, ilm al-mustalah, pour que tu comprennes. Et ils vont te montrer qu'il y a des hadiths, al-isnad, il est muttasil. Et les rawi, c'est des thiqat. Tu vas voir que c'est le hadith al-sahih. Tu vas voir qu'il y a des hadiths, al-isnad, il est pas au niveau du sahih, lakin il est accepté. Al-hassan, etc. Et tu vas voir qu'il y a des hadiths là. Imma, il y a un manque dans l'isnad. Il manque quelqu'un. On peut pas l'accepter. C'est qui ce manque? Imma, tous les rawi sont là, lakin il y a des du'afa. Ou des kadhab. Ou un. Ahad. قال شيخ العثيمين المصطلح علم يعرف بأحوال الراوي. On a parlé du rawi, أي الإسناد الآن c'est fait de rapporteur. Tu vas étudier في هذا العلم سراوي. سراوي c'est qui et أقوال العلماء فيه. Tu vas voir qu'il y a des مصطلح إصطلاحات. مثلا يديز شيخ, يديز ثقة, يديز إمام, يديز صدوق, يديز حسن الحديث, يديز مقبول. Tous ces alphas tu vas les voir في علم الجرح والتعديل. Et il y a des rasa'il fi hadha. Pour comprendre qawl al-ulama, matalan munkar al-hadid. Matalan fulan munkar al-hadid. Tu vas voir que c'est un jarh shadid. Son hadith il n'est pas accepté. Tu vas voir fulan il est sadouq. Ça veut dire quoi sadouq? Tu vas voir fulan sheikh. Ba'dahum ils disent sheikh. Ça veut dire quoi sheikh? Tu vas comprendre que ce n'est pas sheikh comme on emploie nous aujourd'hui. Là, là sheikh c'est le début du dha'if. Indahum. Mouhakada, des mustalah khas pour l'ulama que tu vas étudier. Anta. Ça c'est le. Première catégorie de l'mustalah. قال والمروي. المروي c'est le hadith lui-même. Tu vas voir qu'il y a des hadiths فيها نكارة. Il y a des hadiths فيها أو غريبة. Et tout ça tu vas étudier les termes de ces savants, ce qu'on appelle al-mustalah. Mustalah ça vient de al-istilah. Istilahat أي les termes. قال من حيث القبول والرد. Tu peux diviser en deux. مقبولة ça englobe الصحيح والحسن etc. Et مردودة. Tous les aqsam de da'if, mursal, mu'adal, munkar, mawdou, etc. Qala wa fa'idat ilm al-mustalah, huwa tanqiyat al-adilla al-hadithiyya, wa talkhisuha, ou takhlisuha, mimma yashubuha min da'if, wa ghayrih. C'est ça le but. Le but c'est de filtrer. Léana nahnu l'an, c'est ahadith. Pour nous c'est du din. Nahnu c'est ahadith, c'est du din. Enfin, si c'est sahih, on accepte. Si c'est pas sahih, on montre aux gens. On dit, هذا الحديث là, il est ضعيف. قال يتمكن من الاستدلال بها. Et c'est ça le mohim. لأن ce hadith, أنت pour toi, c'est un dalil. فستستدل به. ربما tu vas dire, السترة في الصلاة elle est واجبة. Pourquoi? Et tu vas citer un hadith. Hadith Abi Saïd et autres. قال لأن المستدل بالسنة أو المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين هما. Et ça c'est مهم. Celui qui veut citer un dalil, appuie un قول en utilisant سنة النبي صلى الله عليه وسلم, il a besoin de deux choses. قال أولا ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا tu dois être sûr que ce hadith c'est vraiment النبي صلى الله عليه وسلم qu'a parlé أو qu'a accepté أو qu'a fait. القول والفعل والإقرار. Tu dois être sûr que ce hadith il est thabit. Hatta la taqul ala Allah subhanahu wa ta'ala ou ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam la tatakallam bila ilm wa la taqfu ma laysa laka bi ilm. Donc première chose, thubut al-dalil. Amma pour le Coran, on n'a pas besoin de hada. Le Coran, kalamullah, il est sahih kullu. Contrairement à la sunna. السنة منها الصحيح ومنها الضعيف. قال ثانيا ثبوت دلالتها على الحكم. Et ça c'est مهم. Ce qu'on appelle l'istidlal. Tu dois avoir le hadith et mettre le hadith à sa place. لأن à cause de الجهل خاصة في هذا الزمان بعض الناس من الجهال أو من أصحاب الأهواء يسيت حديث ضعيف أو il cite un hadith sahih, lakin il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place, abadan. Il te cite le hadith, il est sahih Bukhari, il est sahih Muslim, muttafaqun alayhi. Lakin il n'est pas à sa place. Al-dalala, al-istidlal, il n'est pas bon. Wa hada, ça arrive beaucoup. Falabud min al-amrayn. Labud min al-amrayn, thubut al-dalil, wa thubut al-dalala. أي الاستدلال إلى عصى بلاس. قال فتكون العناية بالسنة النبوية أمرا مهما. أما نحن الآن سعلم كون بيتجي سلو برومي بوان فقط. الاستدلال سأسرع دون كتب الفقه مثلا إذا تسيتي أسك لا لكتور دل فاتحة لواجبة إذا تسيتي حديث عصى بلاس لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحديث إلى صحيح أي الاستدلال إلى عصى بلاس لابد من الفاتحة. دونك أسك سو بليكاتور؟ نعم. Tout ça, tu vas étudier dans l'ilm al-aqida, l'ilm al-tawhid, tous les ulums qu'on étudie. Mathalan, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus? Tu vas voir des hadiths. Et c'était de l'al, à leur place, et tu trouveras beaucoup de hadiths sahiha via d'albal. Amma nahnu l'an, l'étude de l'mustalah, c'est le premier point, al-thubut. est-ce que le hadith est sahih ou pas, et comment savoir, c'est ça ilm al-mustalah. قال فتكون العناية بالسنة النبوية أمرا مهما لأنه ينبني عليها أمر مهم وهو ما كلف الله به العباد من عقائد وعبادات وأخلاق وغير ذلك فتكون العناية بالسنة أمرا مهما لماذا؟ لأن toutes ces choses que tu as besoin pour ton din c'est في السنة et في القرآن. Si tu connais pas ou t'as pas d'عناية بالسنة, tu connais pas le hadith ou t'as une information de ce hadith, mais tu ne peux pas savoir il est sahih ou da'if. Comment tu vas appliquer? Maintenant, combien de bid'a, comme tu sais, les bid'a qui sont propagées dans l'umma islamique, c'est à cause de hadith da'if, ou munkara, ou mawdou'a. Des hadiths, قال Rasulullah sallam, telle chose, les ulama, ils ont démontré que le hadith n'a pas d'asla. C'est du kadib à la Nabi sallam. Tu trouves umma min al-nas, ils appliquent le hadith. Quand tu le conseilles, il te dit, mais il y a un hadith, le prophète sallam, il a dit. Ce n'est pas tous les hadiths qui sont acceptés. Les hadiths qui sont acceptés, c'est al-sahiha. Les hadiths al-thabita. Amma al-manakir wa al-mawdu'at fa kathira. Qala li'annahu yanbani alayha amrun muhim wa huwa ma kallafallahu bihi al-ibad wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa li'abudun. Ce ilm, il doit être, ou cette ibadah doit être bi'ilm. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa li'abudun. Cette ibadah doit être bi'ilm. Fa'alam. أنه لا إله إلا الله. قال الإمام البخاري العلم قبل القول والعمل. هذا سيسا الآن. قبل القول والعمل لا بد تعلم. Est-ce que ce hadith il est ثابت أم لا؟ S'il est في الصحيحين الحمد لله. S'il est في البخاري المسلم الحمد لله. S'il est dans autre les ulama ils ont montré qu'il est صحيح الحمد لله. Si il est أو اختلف فيه بعض الأحاديث يعني اختلاف إليه قوي إليه واسع ففي هذا الحال لا بد من الدراسة لا بد من الدراسة et pour étudier ce خلاف t'es obligé d'avoir des bases وإلا ça sera la porte du taqlid qui s'ouvrira. أما طلبة العلم لا يقلدون أبدا, c'est العلم qui fait la différence. Il peut te prouver أن الشيخ مكمل s'est trompé dans ce hadith لأنه c'est un بشر فربما الشيخ الألباني il a montré une chose خفية على الشيخ مكمل. فنحن ودي الشيخ الألباني لا خدمه في هذا الحال. C'est quoi qui départage c'est العلم أو l'inverse. الشيخ الألباني إلى صحيح الحديث tu trouves un autre الشيخ من العلماء من الأئمة ينتقد دي لا الحديث فيه نظر et tu montres pourquoi. قال وثبوت السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختص بالحديث. نعم tout ce qu'on vient de dire من حيث الثبوت والدراسة tout ça c'est par rapport au hadith. أما القرآن قال لأن القرآن نقل إلينا نقلا متواترا قطعيا بالإجماع. أن القرآن كله إلى صحيح نقل متواتر plusieurs روايات. أن القرآن la lecture أو toutes les sourates جمعت في زمن الصحابة بالإجماع ils ont accepté. T'as aucune recherche à faire في هذا. لا ينكر هذا إلا منحرف ضال كالرافضة qui prétend que le Coran est naqis etc. Et هؤلاء c'est des kuffar بالاجماع. قال لفظا ومعنى ونقله الاساغر عن الاكابر فلا يحتاج الى البحث عن ثبوته. Le Coran il te manque quoi? Que le deuxième point, al-istidlal. La aya, chaque verset ne te pose pas de question est-ce que c'est thabit ou pas? ابدا, c'est sahih. C'est kalam rabb al-alamin. Al-umma a accepté ce Coran بالاجماع. Il te restera le deuxième point, al-istidlal. Fais attention de placer ce verset à sa place. Il y en a parmi nous, c'est des choses, ça n'a rien à voir. Et il dit, قال الله, إنما المؤمنون إخوة. Il te dit, les juifs et les chrétiens, c'est nos frères, il ne faut pas les détester. Thomas, ils appellent à l'humanisme, à la liberté, à accepter l'autre. Ah, il te dit, إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون المسلمون, ceux qui croient dans le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma, on fait rentrer Al-Kafara. Utiliser un verset du Coran, Robama, comme on a dit, l'insan il s'égare. Et Robama il s'égare, حتى يخرج من الإسلام. قال إذن فائدة علم مصطلح الحديث هو معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث. هذه الخلاصة الطيبة. C'est ça فائدة علم المصطلح. أي qu'est-ce que tu vas accepter et qu'est-ce que tu vas rejeter من الأحاديث. الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه il a rassemblé un kitab الموضوعات. Il a fait des recherches et tous les hadith موضوع الموضوع comme on va voir c'est du كذب clair, c'est une invention. النبي صلى الله عليه وسلم il a jamais dit, c'est des hadith que l'umma l'a rejeté. الكتاب il est منتقد في بعض الأمور. كذلك بعض العلماء ils ont rassemblé الضعفاء مثلا للعقيلي أو السلسلة الضعيفة للإمام الألباني رحمة الله عليه. Ils ont mis les hadiths pour eux ils sont ضعيفة. Ils les ont mis dans un juz, dans plusieurs volumes. هكذا الصحيحة de الشيخ الألباني أو قبل ذلك الصحيح للإمام بخاري وهكذا. Tout ce travail العلماء الحقيقة ils ont filtré les hadiths. Ils les ont départagés. Sahih, Dhaif. Al-Sahih, tu ne le prends pas, tu l'acceptes, tu l'appliques. Al-Dhaif, tu mets en garde et tu ne l'acceptes pas et tu l'appliques. Pas ou hakada. C'est ça le al-thamara de ce ilm. قال وهذا مهم بحد ذاته لأن الأحكام الشرعية مبنية على ثبوت الدليل وعدمه. C'est ça le faïd azim al-an. لأن الأحكام الشرعية, quand on dit, il faut un dalil. Il faut un dalil pour chaque chose. من الأمور المسائل الدينية يفو أن دليل لابد سو دليل لابد كيسوا صحيح سي سا فرسي دو قرآن نسبوز بلو لا كيستيون نسبوز غلا كيستيون اسك لو فرسي لا سا بلاس بور الحديث لابد لا بروميير إتاب اسك الحديث إلي ثابت أي اسك سي فريمون النبي صلى الله عليه وسلم كذي هذا أما سي سي خرافة سي سا حديث موضوع سي سا حديث منكر أون بيغ با لو طون غوجيت مباشرة قال لأن الأحكام الشرعية مبنية على ثبوت الدليل وعدمه وأنت تسي أن الحديث الصحيح سافي بارتي دو لا ريفيلاسيون كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سو حديث صحيح فسي من الوحي تي أوبليجي دافوار أن كومبورتمون بور رابور أ سو حديث سي تابيل أ أون أوبليغاسيون تو دوا لا فير. Si il te montre une interdiction, tu dois t'écarter. Si c'est une recommandation, tu la fais. Si c'est un khabar, tu l'acceptes. وهكذا. قال على ثبوت الدليل وعدمه وصحته وضعفه. هذا علم عظيم. علم المصطلح. علم الحديث. Et ce علم, كما تعلمون, il est fondé sur الإسناد. الإسناد من الدين. كما قال الإمام محمد بن سيرين رحمة الله عليه وقال كذلك لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء قال محمد بن سيرين si y'aurait pas l'isnad chacun aurait dit ce qu'il veut واحد il serait venu maintenant bien après l'époque du prophète sallam il aurait dit الرسول il a dit et il nous invente une chose comme il s'est passé avec دين النصارى واليهود دين أهل الكتاب لماذا ce دين il a plus aucun poids et ils n'ont pas de source. يعتقدون أن الله لا نوفا أن كفريات واضحة لماذا؟ لأن إذن باست نعمة الإسناد. الإسناد c'est la chaîne de transmission. Ça fait partie de notre دين. بهذا الله سبحانه وتعالى يحفظ son دين. Et des رجال أئمة ils se sont occupés de هذا. L'étude de l'إسناد. الإسناد c'est chaîne de transmission. Inch'Allah on fera un bref récapitulatif avant de rentrer dans les أقسام. باقي وقت قليل on lit مقدمة الشيخ سعيد رحمة الله عليه il cite une brève ou une brève biographie de البيقوني ثم il te montre les livres importants dans le مصطلح إن شاء الله ça complétera notre introduction. قال الشيخ سعيد بن دعاس ابن سعيد اليافعي رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله ومن صار على نهجه واقتفى أثره وبعد. قال فهذا توضيح مختصر على المنظومة البيقونية لناظمها البيقوني رحمه الله وطيب ثراه راعيت فيها الاختصار والإيجاز. تعلمون أن الشيخ سعيد رحمة الله عليه لدى قوي في هذه العلوم علوم المصطلح وعلوم الأصول والقواعد. Et il a des autres livres, des autres explications de livres plus vastes, plus larges. Là, qu'il vient avec le kitab, son but, c'était al-ikhtisar. Et c'est ça qui est important dans le Bayqouniya. Haqiqa, dans le Bayqouniya, il n'y a pas besoin d'avoir un gros charh. Fa-lihada, tu trouveras la plupart des charouhats dans le Bayqouniya, c'est mukhtasara. Léanna, le Bayqouniya, c'est un livre de débutant. Tu n'as pas besoin de mettre al-fiyat al-iraqi, mathalan, ou tadrib al-rawi. De l'imam Suyuti. Ou tous ces grands livres de Mustalah, ou le Taqid ou l'Idah, ou le Nukath, l'Ibn Hajar, à la Muqaddimah ibn al-Salah, il Hafid. Ça, c'est des livres 2, 3, 4, 5 volumes. Tu n'as pas besoin de mettre ce livre en explication de Bayqouniya. Là, maintenant, le Sahih, ils vont te l'expliquer dans les livres. Al-Mu'assa'a, ils vont t'expliquer en plusieurs dizaines de pages. Ils vont t'expliquer en détail. Amma nahnu fil Bayqouniya, quelques lignes, ça suffit. الشروط شروط الصحة c'est quoi انتهينا ثم le deuxième livre tu augmentes ثم troisième livre ان شاء الله حتى تكون على خير اما البيقونية tu mets ça c'est un خطأ et c'est dans tous les علوم c'est comme الأجرومية الأجرومية tu mets pas tout tu vas pas mettre dans الأجرومية l'explication de الألفية كذلك الأصول الثلاثة tu vas pas mettre فتح المجيد في الأصول الثلاثة مثلا تكسليك الذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة tout ça avec un délit et te montre que adorer autre qu'Allah c'est du shirk يكفيك à cette étape ثم كتاب التوحيد ثم فتح المجيد إن شاء الله توسع أما tout mettre dans الأصول الثلاثة en face de toi c'est des débutants c'est un خطأ هكذا الأصول فلهذا الشيخ سعيد رحمة الله عليه son but c'est الاختصار قال تسهيلا على قارع باب هذا العلم قارع الباب أي celui qui frappe à la porte de ce علم Inch'Allah, la première clé, c'est ce genre de rasail. Que ce soit celle de Cheikh Al-Uthaymin, que ce soit celle de Cheikh Saïd, rahmatullah alayh. Beaucoup de rasail fil bayquniya, min al-ulama wa talabat al-ilm. L'essentiel, t'en choisis une, un thiqa qui te l'explique, un sunni, avec un kalam sahab, et Inch'Allah, tu feras le deuxième livre, comme il va citer Cheikh Saïd dans le Tamhid. Qala قارع باب هذا العلم من طلاب العلم المبتدئين ليكون إن شاء الله سلما للترقي في مراتبه الشريفة سلم cette première رسالة c'est la première marche ثم une deuxième رسالة tu vas monter deuxième troisième marche quatrième marche حتى tu vas arriver إن شاء الله t'as compris هذا العلم قال ليكون إن شاء الله سلما للترقي في مراتبه الشريفة وسميت هذا التوضيح التوضيح المختصر على المنظومة البيقونية أسأل الله أن ينفع به قارئه ومقتنيه وأن يغفر لكاتبه ويهديه إلى سواء السبيل رحمة الله عليه donc il t'a montré pourquoi il a écrit ce livre et sa méthode أنه c'est un livre pour les débutants فاستفيد من هذا أن celui qui a déjà étudié, qui a compris, il passe à une autre risale. Huna, tu n'auras pas les détails. Huna, c'est vraiment un aperçu pour les débutants. Et les débutants, Huna, et ceux qui n'ont jamais étudié sur lui. C'est une première étape tayyib. Qal al-tamhid, il va te citer quelques fawaïd dans ce ilm. Qal al-bayquni, al-bayquni, c'est celui qui a écrit le bayquni. Huwa al-shaykh Taha ibn Muhammad. Ibn Fattouh al-Bayquni, Dimashq Shafi'i. Dimashq, l'actuelle capitale de la Syrie. Shafi'i, ay al-madhhab, il était à la madhhab l'imam Shafi'i. Qal wa qil ismuhu Umar. Wallahu a'lam. Al-muhim, c'est que tu sais que c'est un imam parmi les imams de al-madhhab al-Shafi'i. Qal wa huwa muhaddith usuli. Ses efforts, il les a fait beaucoup fi 'ilm al-hadith wa fi 'ilm al-usul. Qal lahu kitab Fath al-Qadir al-Mughith fi 'ilm al-hadith. Al-Imam al-Bayquni, il a un livre plus vaste dans l'ilm al-Mustalah. Et ce livre, le titre c'est Fath al-Qadir al-Mughith. Fi ilm al-Hadith. Araj al-A'lam, les Zarqali. Il explique chaque auteur, il te donne une brève biographie. Qala al-Tasnif istilah al-Muhaddithin. Les efforts de l'ulama al-Islam, qu'ils ont fait les efforts dans ce fun. Qui c'est le premier qui a écrit Thumma. Comment ce ilm il a pris de l'ampleur du Dan. Hatta à notre époque, l'an, il y a beaucoup d'ouvrages. قال من أول من صنف في ذلك أي في علم المصطلح تصنيفا مستقلا أبو محمد الرام هرمزي il est connu هذا الإمام il est connu pour être le premier à avoir écrit un livre il a rassemblé les catégories لأن à l'époque de Sahaba et ceux qui sont venus après ils n'avaient pas ces taqsimat ils prenaient directement عن الرسول ils n'avaient pas besoin حدثنا فلان عن فلان عن فلان أما à l'époque qui est venue après le isnad il a commencé à s'allonger il y a eu besoin d'avoir des termes précis. فلهذا الرام هرمزي رحمه الله عليه il a écrit قال صنف كتاب المحدث الفاصل. Ça c'est le premier livre fil mustalah. Et ta'lamoun anna le premier livre il sera pas complet comme ceux qui viennent après. Lakin c'est l'asl. قال ولم يستوعب جميع اصطلاحات المحدثين لاوليته. Toujours le premier livre il y aura un naqs. لان le deuxième livre il va prendre le premier livre et il va augmenter. Et c'est ce qui se passe. المحدث الفاصل العلماء qui sont venus après ils l'ont pris ils l'ont amélioré. Ils ont cité plus de aqsam, ils ont corrigé certaines choses. قال وتلا اي après الرام هرمزي صاحب المحدث الفاصل قال وتلا الحاكم الامام الحاكم صاحب المستدرك قال ابو عبد الله النيسابوري فصنف كتاب المعرفة، إلا أنه لم يهدب ولم يرتب، حيث قدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم، فمن ذلك أنه جعل الصحيح في النوع التاسع مما انتقدوا عليه أن لو ليفغ لي تي با أوردوني. كثير من العلماء تعلمون يغصم لان ليفغ ثم إلى با لطون، إما كوز مالادي إما إيمور، إي لو ليفغ لي با أوردوني، سا سا أريب. أما لا شك أن الصحيح سي لو بخومي نوع. ففي المعرفة للحاكم تتخوف الصحيح أون نوفيام كاتيغوري. قال وحقه أن يكون أول الأنواع. قال ثم تلاها الخطيب البغدادي فصنف كتاب الكفاية في قوانين الرواية والجامع. لي ليفغ دو الخطيب البغدادي سي دي ريفيرونس في هذا الفن. قال وفي بعض فنونه، نعم الإمام الخطيب البغدادي إلى دوني بوكو دو طون السعي. قال كالسابق واللاحق والمتفق والمفترق والإجازة ونحوها. حتى قال أبو بكر ابن كانه نقطة أو نقطة ينظر ضبط هذا الإذ، كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على كتبه، أي عليها اعتمادها. الإمام الخطيب سي ليفر سايتي لا ريفيرونس، tous ceux qui sont venus après استفادوا منه. كذلك كتاب الرامة هرموزي، كتاب الحاكم، لكن الخطيب لا تخفي سفن أكثر، الخطيب البغدادي. قال ثم تلاه القاضي عياض فألف الإلماع، وبعده الميانجي، كأنه هكذا الميانجي، فصنف ما لا يسمع أو ما لا يسمع المحدث، ما لا يسمع المحدث جهله. قال حتى جاء أبو عمرو ابن الصلاح الشهروزي فصنف كتابه المشهور بمقدمة في علوم الحديث، مقدمة ابن الصلاح في المصطلح سلا ريفيرونس. لكن تأمل لزيتاب الرامة هرموزي يلكخي لبخومي ديب il sera pas complet, c'est le premier livre. ثم الحاكم ثم الخطيب البغدادي complet ثم الامام ابو عمرو ابن الصلاح va rassembler tous ces livres et il va l'ordonner, il va les classer chaque catégorie avec un تعريف avec un مثال etc. ça va donner مقدمة ابن الصلاح c'est la référence. celui qui veut étudier ce fun ان شاء الله لا بد يمر على هذه المقدمة، اما son شرح تقييد والايضاح، اما الاختصار للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه كما سياتي. قال فصنف كتابه المشهور بمقدمة في علم الحديث، فجمع ورتب وهدب فنونه مع شيء من الإعواز في الترتيب، لأنه كان يمليه شيئا فشيئا حتى سلفه لما من كثير رحمة الله عليه لا غزمي إلا أغضني إلى يومنا هذا. سلفه إلى تخبي العلماء وطلبة العلم. قال لأنه كان يمليه شيئا فشيئا أثناء التصنيف، أي il rapportait ce livre, il le dictait à ses élèves petit à petit. فحصل فيه في الترتيب دي petites choses لكن لا تضر. قال واعتنى بتصانيف الخطيب الإمام أبو عمرو بن الصلاح إلى استفد دو سي ليفر بل il les a résumé dans cette مقدمة. قال فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، et ça c'est une faïda أن tu rassembles dans un fun حتى pour toi en tant que طالب علم tu rassembles tout ce qui est dispersé. الخطيب إلى كلام فلان إلى كلام فلان إلى كلام، toi tu rassembles tout pour toi dans un livre. ربما هذا الكتاب ينفع الله به. فالحافظ الآن أبو عمرو بن الصلاح il a rassemblé. لكن ce rassemblement il y a une faïda عظيمة. لأن c'est pas tout le monde qui a tous les livres, c'est pas tout le monde qui peut tout lire. Le fait de rassembler dans un livre c'est une نعمة من نعم الله عز وجل. قال فعكف الناس على كتابه وصاروا بسيره، نعم c'est devenu la référence في المصطلح. قال فمنهم من نظمه، بعضهم ils ont fait ils l'ont écrit ce livre en forme de poésie. قال ومنهم من اختصره كالإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، ومنهم من انتصر له ومنهم من استدرك عليه، بعضهم ils ont défendu le livre, بعضهم ils ont انتقد certaines choses. chacun il a apporté sa pierre à l'édifice. قال ومنهم من استدرك عليه ومنهم من عارضه، راجع شرح النخبة للحافظ ابن حجر وشرح القاري إلى آخره إلى دون لي ريفيرونس. المهم tu sais un tas, c'est un bref aperçu les démarches حتى on arrive à ce علم الآن ولله الحمد il est complet في بعض الكتب. كذلك il faut pas oublier الحافظ ابن حجر، il a un جهد عظيم في هذا الفن، لكن il est venu bien après eux. هذا un aperçu de l'historique de ce علم طيب. أما les livres à étudier الطيب c'est de commencer par البيقونية ثم après البيقونية اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، c'est le résumé de مقدمة ابن الصلاح. ابن الصلاح il a fait une مقدمة، il a rassemblé toutes les catégories de hadith استفاد من الخطيب ومن غيره. L'imam Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, il a résumé la muqaddima. La muqaddima, elle est assez longue. Ça a donné ikhtisar ulum al-hadith, ou le ba'ith al-hadith, l'il-hafid Ibn Kathir. Fal-bayquniya, thumma, le livre d'Ibn Kathir. Ikhtisar ulum al-hadith. Thumma, al-muqaddima, l'Ibn al-Salah, directement. Thumma, al-nuzha, ou même al-nuzha avant al-muqaddima. Al-nuzha, l'il-hafid Ibn Hajar. C'est un kitab azim, jiddan. Il a fait le charh de son propre livre, Nukhbat al-Fikar. Nukhbat al-Fikar, Al-Hafidh ibn Hajar, il a compressé tous les anwa', ou pratiquement tous les anwa'. Il te dit le sahih c'est kada, le da'if c'est kada, le hasan c'est kada, le mu'dal c'est kada. Thumma, il a fait l'explication dans le nuzha. Fal-bayquniya, thumma, ikhtisar ulum al-hadith, thumma al-nuzha, l'Hafidh ibn Hajar, thumma al-muqaddima. Muqaddimat ibn al-Salah. Muqaddimat ibn al-Salah, inshallah, avec tous ses livres, ça sera une lecture avec quelques taliqats. Thumma, la lecture dans les gros livres, At-Taqid wal-Idah et Tadrib al-Rawi. Avec tous ces livres, Inch'Allah, yakfi. Aham shay antum rakizu al-Bayquniya wa ikhtisar ulum al-Hadid lil-Hafid ibn Kathir wa al-Nuzha. C'est trois livres. Rakizu alayha, khasatan al-Nuzha, ça va vous résumer ce que vous avez fait avant. Thumma, tout ce qui vient après, ça sera ça. والله تعالى أعلم. الحمد لله سليف. ils ont été étudiés à Damaj كثيرا et autres qu'à Damaj par العلماء. إن شاء الله تستفيدون لتعليقات لزوديو لشروحات فنافعة في هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.